Frères et sœurs bien-aimés, nous suivons ce matin Jésus qui monte à Jérusalem, comme chaque année, pour la fête de la Pâque. Nous sommes avec lui, nous sommes dans la liesse, dans la joie. C'est la première fois que Jésus monte à Jérusalem avec ses disciples depuis son baptême, qu'il a plongé dans, vous savez, son ministère public, qu'il a commencé à prêcher. Et aujourd'hui, il entre dans le temple, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, la maison de la prière, le lieu consacré à la rencontre des hommes avec Dieu, de l'union des hommes avec Dieu. C'est le rôle du temple, c'est le rôle de toutes les églises. Or, en entrant dans le temple, Jésus voit, comme à l'accoutumée, c'est là d'ailleurs qu'est le drame, des tables, des tentes, des boutiques sur l'esplanade où on échange de la monnaie, on vend des bœufs, des brebis, des colombes pour offrir des sacrifices. Alors, frères et sœurs, il faut imaginer la scène. La grande esplanade du temple qui est faite normalement pour méditer la parole de Dieu, la Torah, est remplie. On vend des bœufs aux plus offrants, on palabre, on négocie, on fait la réclame, comme sur le marché, le jeudi matin au Lavandoux. La maison de Dieu est devenue une foire, un souk, où l'intériorité a complètement disparu. Jésus sait bien cela. Vous savez, depuis l'enfance, chaque année, il balaye du regard l'esplanade en soupirant, le cœur affligé, sachant bien qu'un jour, son père et lui devront intervenir pour remettre la prière au cœur du temple. Eh bien, frères et sœurs, ce jour est arrivé. Jésus décide pour ça d'employer la manière forte et d'exprimer sa colère, mais une colère pleine d'amour, bien sûr, d'amour pour son temple et d'amour pour son peuple, d'amour pour Dieu le Père et d'amour pour les hommes qui ont besoin dans ce lieu non pas de faire du commerce, mais de s'unir. Alors nous le voyons empoigner des cordes, se faire un fouet, et le voilà qui balance son fouet à gauche, à droite, schlac, schlac. Il met par terre de toutes ses forces toute la monnaie d'échangeur, et le claquement du fouet sème la panique chez les bestiaux qui s'enfuient en foulant de leurs sabots crasseux les pièces d'or et d'argent. Le précieux or, le précieux argent. En quelques instants, le marché est complètement renversé, sans dessus-dessous. Les marchands s'enfuient en courant, de peur de ramasser un coup de fouet perdu sur le mollet. « Enlevez ça d'ici !» crie Jésus. « Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce !» Quelle colère, mes frères, quelle colère! On n'a jamais vu Jésus dans cet état. Et attention, ce n'est pas parce qu'il a perdu ses moyens, au contraire. C'est parce qu'il a compris qu'il était absolument urgent de marquer les esprits. J'espère qu'ils sont marqués ce matin pour chacun d'entre nous à cause de la gravité du problème de ce qui se passe dans le temple. Il faut, frères et sœurs, qu'on réalise qu'on est en train d'offenser le maître des lieux dans le temple. On oublie même qu'il est là, qu'il est présent, que le temple est exclusivement le lieu sacré, consacré à l'union intime des âmes avec Dieu, pas le lieu des affaires. Bassement cupide de tous les hommes. Frères et sœurs, lorsqu'on entre dans une église, c'est pour rencontrer Dieu, pour s'unir à lui au tréfonds de notre âme. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours dans une atmosphère favorable au recueillement dans l'église. C'est ça qui règne dans une église. Tout doit être fait pour conduire les âmes à la prière, au dialogue intérieur et secret avec celui qui habite les cieux. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, si Jésus est en colère dans le temple, je crois que dans notre Église, il se réjouit. Parce que dans notre Église, grâce à Dieu, nous sentons cette atmosphère de prière. Et vous voyez, quand vous entrez dans l'Église le dimanche matin, le Saint-Sacrement est exposé, Dieu est au centre. Et les âmes entrent, se mettent à genoux, et en silence, se mettent en prière, en récitant des « Je vous salue Marie ». C'est ça, voilà un temple de Dieu. Et je suis en joie de voir ce temple ce matin. Tout doit être fait pour ça. Les bavardages, comme le commerce, ne sont pas forcément mauvais en soi, mais ils n'ont rien à faire dans l'Église parce qu'ils risquent de la détourner de son rôle essentiel. Et Jésus veut nous rappeler que c'est très grave. C'est très grave. Vous avez vu, il se met en colère. Ça veut dire que c'est très grave. C'est pas un petit peccadille comme ça. C'est gravissime. Frères et sœurs, quand je vois tous ces touristes, alors c'est pas du tout un jugement que je porte. Les pauvres, Dieu seul connaît leur âme. Mais ils entrent dans notre église, ou dans toutes les églises d'ailleurs, et ils contemplent les murs. Ils regardent les voûtes, ils regardent les magnifiques fresques, ils regardent le chemin de croix. Tout ça est très bien. Ils s'extasient devant le génie des hommes, et ils sont même émus parfois par la beauté de nos églises, parce qu'il faut bien le reconnaître, les choses les plus belles qui ont été faites par les hommes sont les églises. C'est très beau, mais vous voyez, on peut visiter une église sans même avoir eu un mot ou un regard pour celui qui est l'inspirateur de cette beauté, celui qui y habite jour et nuit. Parfois, vous voyez, on passe devant le tabernacle, on passe devant la croix, sans un mot pour le maître des lieux. Bien souvent parce qu'on ne sait même pas qu'il est là. Or, c'est un fait que nous devons rappeler sans cesse. On ne peut comprendre, on ne peut rien comprendre au monde des hommes si on ne comprend pas que tout ce qu'il y a de plus grand et de plus beau en ce bas monde trouve toujours sa source dans une relation personnelle, intime, avec Dieu. Et les églises, frères et sœurs, sont là pour ça, pour nous rappeler ça. Les églises sont le lieu où l'humanité se forge. Je dis bien l'humanité avec un grand H. L'humanité se forge dans la prière que Sainte Thérèse d'Avila appelait justement un commerce d'amour et d'amitié avec Dieu. Voilà le seul commerce autorisé dans l'Église. Aujourd'hui, nous célébrons dans toute l'Église la dédicace, comme je le disais tout à l'heure, de Saint Jean du Latran. Nous faisons mémoire du jour où cette basilique romaine, qui avait été construite par l'empereur Constantin, a été consacrée par le pape Sylvestre, le premier. La consécration d'une église, vous savez, c'est le moment où Dieu prend officiellement possession des lieux. On dirait chez nous la pendaison de la crémaillère. Jésus s'installe, Dieu s'installe, on célèbre l'Eucharistie, la présence de Dieu descend sur l'autel, l'autel est enflammé, et pas qu'en image, pour de vrai, puisqu'on consacre l'autel avec la flamme et l'huile sainte. On consacre chaque pilier avec l'huile sainte qui sert pour les baptêmes. Dieu prend possession des lieux, on encense le lieu saint pour manifester sa présence. Et il prend possession des lieux, non pas pour le louer pour quelques mois ou quelques années, mais pour y vivre définitivement. La basilique Saint-Jean de Latran, comme je disais, c'est la cathédrale du pape, c'est l'église mère de Rome, et l'église, donc l'église de la mère de toutes les églises de la terre. C'est le temple de Dieu, le temple suprême. Cette fête, elle est là pour nous rappeler le sens profond de ces églises où nous nous réunissons pour célébrer les saints mystères et que Dieu habite sans cesse pour s'unir aux hommes du fond de leur cœur et non pas seulement du bord des murs. Revenons, si vous le voulez bien, au temple de Jérusalem où Jésus vient de remettre de l'ordre en semant le bazar, en fracassant les boutiques qui le profanaient. Les prêtres aussitôt se ruent vers Jésus pour lui demander « Mais de quel droit il fait cela ? Donne-nous donc un signe pour nous prouver que tu as autorité pour agir ainsi, enfin. » Ce à quoi Jésus répond par une énigme qui ne sera comprise que quelques années plus tard par ses disciples, après qu'il soit mort, puis le troisième jour ressuscité. « Détruisez ce temple, » dit Jésus, certainement en écartant les bras et en regardant son propre corps. « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Bien-aimés, aujourd'hui, cette parole est très claire pour nous. Jésus veut dire que le temple véritable, le temple ultime, ce lieu où demeure la divinité dans toute sa plénitude, ça n'est pas seulement les temples de pierre, ces temples saints, mais c'est d'abord son corps à lui, Jésus. Jésus est Dieu, il est vraiment Dieu. Et son corps humain, c'est-à-dire toute son humanité, hein, le corps, c'est pas seulement la chair, hein, physique, c'est toute l'humanité de Jésus. Son corps est le temple de sa divinité. En Jésus, Dieu s'unit à l'humanité. Et il réside dans un corps humain comme dans un temple de pierre. Frères et sœurs, ceci doit nous faire comprendre, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la réflexion que Jésus nous invite à avoir aujourd'hui. Je dis une réflexion, mais c'est plus une méditation, une prise de conscience. Le corps de l'homme, comme le corps de Jésus, quel qu'il soit, le vôtre, le mien, celui de la très sainte Vierge Marie, de Saint Louis, notre saint patron, et de Jésus. Le corps de l'homme, quel qu'il soit, a été pensé, a été voulu, a été conçu par Dieu pour devenir, au même titre que celui de Jésus, un temple divin. Nous tous ici présents dans cette église ce matin, si le Seigneur nous convoque chaque semaine, c'est pour qu'en ce lieu consacré, il puisse s'unir à nous pour faire de nos corps des temples de sa divinité. Et c'est comme ça que sa divinité peut se rendre présente partout dans le monde, partout où se trouve un chrétien qui se laisse habiter par Dieu. Lorsque nous sommes à la maison, tout seuls, ou au milieu de nos enfants qui n'y croient pas ou qui n'y croient plus, nous sommes le temple de Dieu. Lorsque nous sommes dans le salon, dans la cuisine, au milieu des casseroles ou dans la chambre à coucher, nous sommes le temple de Dieu. Lorsque nous sommes au milieu du monde, au café, au supermarché, à la boulangerie, à la boucherie, au bowling, à l'école, au travail, dans la rue, nous sommes des temples de Dieu. Et Dieu se rend présent aux côtés de chaque homme, de chaque femme que nous approchons. Il s'approche d'eux par notre présence, par la présence de ces petits temples saints consacrés à Dieu. Et c'est comme ça qu'il peut sauver les âmes. Dans les rues d'Annecy, au début du XXe siècle, on pouvait parfois croiser une petite fille remplie de Dieu. Et les passants se sentaient irrésistiblement attirés par cet enfant, allant même jusqu'à changer de trottoir pour avoir le bonheur de passer à côté d'elle, sans savoir pourquoi. Cette petite fille, voyez-vous, se rendait chaque jour dans le temple de Dieu pour l'adorer. Et presque chaque jour, elle y assistait à la messe et elle tombait en extase pendant la communion. Pensons à ça, frères et sœurs. Lorsque l'hostie descend, elle descend sur l'autel. Lorsque l'hostie descend en nous par la communion eucharistique, ce n'est pas du pain que nous mangeons, ce n'est pas du pain. C'est le corps de Jésus-Christ. C'est le temple suprême de la divinité qui descend en nous pour faire de nous des temples divins. Voilà la grande trouvaille de Dieu dans le christianisme. Vous trouvez ça nulle part ailleurs. Dans toutes les religions, voyez-vous, on cherche à parler à Dieu, mais Dieu est extérieur. Chez nous, Dieu est intérieur. Il est en nous. Faire de chaque homme un temple de Dieu, de sa présence au milieu du monde, voilà sa trouvaille. Et c'est ce que nous devons tous chercher à devenir toujours plus, toujours mieux, toujours plus parfaitement, à travers cette union intime avec Dieu, qui se renouvelle à chaque fois que nous venons ici. Et même si nous ne pouvons pas communier au corps du Christ en mangeant l'hostie, Dieu vit en nous, d'une autre manière, mais véritablement. Nous devons chercher à nous unir à lui dans le secret de notre cœur. C'est-à-dire, nous devons chercher à l'aimer de toutes nos forces, pour qu'il demeure en nous et qu'il irradie le monde. Le lavandou a besoin de vous, frères et sœurs, pour que la présence de Dieu se répande et que la paix se répande dans les cœurs. Frères et sœurs, nous portons des chapelets, nous portons des médailles, nous portons peut-être même des scapulaires, nous avons notre petit évangile dans la poche, nous avons nos images saintes dans notre bréviaire, dans notre misselle. Et tout ça, nous nous accrochons à cela, c'est très bon. Mais est-ce que nous pensons que nous avons Dieu lui-même à l'intérieur de nous? Alors, frères et sœurs, je laisse le dernier mot à saint Paul que nous avons lu tout à l'heure. Ne savez-vous pas, dit saint Paul, que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.